Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Okay, thank you. Now we are going to study it seven visuddhi. Okay, now Nous allons étudier les sept visuddhis. seven visuddhi today. Page number 347. Okay. On est à la page 347. Visuddhi, Vedas and the lessons of purification. Okay. Okay, first, let's study the test. On a vu en anglais et en pali les quatre composantes de la moralité, donc de sila. Je vais essayer d'expliquer ça du point de vue pratique du yogi et du méditant. Donc il y a quatre types de sila: Patimokkha-samvara-sila, Indriya-samvara-sila, Ajiva-parisuddhi-sila et Paccaya-sannisita-sila. Et donc ça s'appelle Chatu-parisuddhi-sila. Chatu, ça veut dire quatre. Parisuddhi, purification, et Sila, c'est la vertu. Patimokkha, donc, c'est les 227 règles. Indriya, c'est le contrôle des sens, des facultés sensorielles. Ajiva Parisuddhi Sila, c'est la pureté des moyens d'existence. Et Paccaya Sannisita Sila, c'est la pureté concernant l'utilisation des moyens d'existence. Évidemment, ce texte concerne les temps anciens. À l'époque, la plupart des méditants étaient des moines. Et donc, il faut voir aujourd'hui comment appliquer ça, expliquer ça par rapport au contexte actuel. Bon, nous sommes pour la plupart des laïcs. La première vertu, Patimokkha-samvara-sila, l'observance des 227 règles, qu'est-ce que ça peut signifier pour des laïcs, des gens normaux dans la vie ordinaire? Donc, vous observez neuf préceptes depuis hier. Tant que vous restez ici, que vous restiez à plein temps ou à temps partiel, vous observez ces préceptes. Donc, ce sont des bonnes vertus, des bonnes règles morales. Toujours cette première vertu, ce premier sila, pour vous, ça consiste en les neuf préceptes, mais ce n'est pas seulement les neuf préceptes, ça peut aussi être éventuellement les cinq préceptes ou huit préceptes, ou 10 préceptes comme pour les nonnes. Ça dépend de vous, en fait. Mais quoi que vous adoptiez, c'est bon comme fondement pour purifier votre esprit. Quel que soit le nombre de préceptes que vous observiez, ça peut être suffisant. Voilà, je vous l'ai dit déjà, vous pouvez prendre 5 préceptes, 8 préceptes, 9 préceptes, 10 préceptes, tout ça dépend de vous, en premier lieu. Ça peut suffire comme fondement pour la pratique. Certains me diront, Bante, j'ai des problèmes pour moi, 5 préceptes, c'est le maximum. D'accord, c'est acceptable. Alors, un mot sur les 8 et 9 préceptes. Ici, on observe 9 préceptes. Le 9e précepte, c'est on s'engage à tenter pendant la durée de la retraite de rayonner l'amour bienveillant autant que possible envers tous les êtres. Donc c'est la pratique de metta. Si on ne compte pas metta, alors il n'y a que 8 préceptes. Dans certains centres, on pratique aussi 8 préceptes un peu différents des préceptes habituels, pas seulement s'abstenir de mauvaises actions, mais aussi s'engager à développer des actions positives. Donc les 8 préceptes, dans ce cas-là, tels qu'ils sont décrits aussi dans le Visuddhimagga, c'est Panatipata, s'abstenir de tuer, Adinadana, s'abstenir de voler, Abrahmacharya, s'abstenir d'activités sexuelles, Musavada, s'abstenir de mensonges. C'est la partie donc restriction des actions négatives, mais aussi on s'engage à développer des actions positives, Tama Ajivena Sikabadam, des bons moyens d'existence, On s'abstient aussi des paroles négatives, de la médisance, pisuna vacha, des paroles dures, parusa vacha, des paroles frivoles, sampa palapa, mais aussi on s'abstient des micha ajiva, donc des moyens d'existence néfastes. Voilà, donc ça s'appelle ajiva atamaka, et c'est décrit dans le Visuddhimagga. Pardon, donc le huitième, c'est non seulement s'abstenir des moyens d'existence néfastes, mais c'est aussi développer les moyens d'existence qui amènent des bons résultats. La moralité suivante, dans les quatre moralités, c'est Indriya Samvarasila, donc le contrôle des facultés sensorielles. C'est très important pendant la pratique. Il faudrait éviter de regarder ici et là. Il faut essayer de contrôler les six sens. L'œil, l'oreille, le nez, la langue, le corps et l'esprit. Il y a cinq facultés physiques et une faculté mentale. Donc l'œil, on évite de regarder ici et là. L'oreille, on évite évidemment d'écouter de la musique, mais même si on entend un son comme un avion ou comme un coup de feu, on ne se demande pas qu'est-ce que c'est. Au lieu de se précipiter en esprit vers le son, on essaie de rester au niveau de l'oreille, de revenir à l'oreille. Même chose pour la langue, quand on va dans le réfectoire, on évite de regarder qui est là, on essaie de rester centré sur soi. Même chose pour le corps, d'habitude on aime une vie facile, confortable, luxueuse. Mais ici, on ne recherche rien, on laisse le corps là où il est, on ne va pas ici ou là. Et on contrôle aussi l'esprit. Voilà, ça c'est le contrôle des facultés sensorielles avec l'attention. On passe à la vertu suivante, au point suivant, Ajiva Parisuddhi Sila. Le texte dit la pureté qui consiste en des moyens d'existence purs, et elle concerne la façon dont le bhikkhu acquiert les nécessités de la vie et est nécessaire pour sa survie. Il ne devrait pas acquérir ces nécessités d'une façon qui ne convient pas à un moine qui est dévoué à la pureté et à l'honnêteté. Donc, par exemple, il faudrait pas que le bhikkhu prédise l'avenir, ou qu'il soit un médecin qui guérit des maladies ou offre des médicaments, dans l'esprit de donner et de recevoir, dans l'esprit, dans l'attente, en fait, de recevoir quelque chose en retour plus tard. Effectivement, certains laïcs pourraient penser, oh, ce moine est vraiment très accueillant, il est très sociable, on devrait le soutenir. Mais si c'est le cas, c'est le résultat de, par exemple, de l'aide qu'il apporte comme médecin ou comme diseur de bonne aventure. Ce ne sont pas des moyens d'existence justes. Ce n'est pas une façon de vivre pure. Le moine devrait vivre simplement. Il devrait faire son devoir, c'est-à-dire apprendre l'enseignement du Bouddha, le partager et pratiquer la méditation. Et si les gens soutiennent ce moine pour ces raisons-là, alors on peut dire que sa vie est pure, que ses moyens d'existence sont purs. Par contre, s'il obtient des avantages de la part des laïcs d'une quelconque autre façon, ses moyens d'existence ne sont pas purs. Alors vous me direz, Bhante, d'accord, mais ça c'est pour les moines. Qu'en est-il pour nous, pour les laïcs? En quoi consistent des moyens d'existence justes pour notre vie? Alors les laïcs devraient assurer leur subsistance en exerçant des bons métiers, des métiers honnêtes, et donc ils devraient surtout éviter cinq business particuliers. Ils devraient ne pas vendre des armes, ils devraient éviter aussi les drogues et les alcools, sura, maja, ils devraient éviter le commerce de la chair, mamsa, par exemple les pêcheurs qui vont vendre les poissons au marché. En fait, ça implique le fait de tuer des animaux, donc il faudrait essayer d'éviter de tuer. Et puis, le commerce des êtres humains, manusa. Dans les temps anciens, on vendait des esclaves, mais bon, ça peut s'exercer de plusieurs façons différentes. On peut vendre des humains de diverses façons. Et puis enfin, les poisons. tout type de poison. Il faut éviter les virus, etc. Tous ces métiers donc représentent un certain danger pour les autres humains et pour les autres êtres, et c'est pour ça qu'il faut les éviter. Alors la dernière moralité, la dernière des quatre moralités, c'est Paceia Sanicita Sila. Le texte explique Paceia Sanicita Sila est lié à l'utilisation des moyens d'existence et signifie que le bhikkhu devrait utiliser les quatre nécessités du moine, les robes, les aumônes, la nourriture, le logement et les médicaments, après avoir réfléchi à leur objectif juste. Alors c'est une bonne instruction, mais avant d'en parler, il faut voir la différence qui existe entre les moines et les laïcs. Quelle est la différence dans leur mode de vie? Les laïcs, ils étudient, ils obtiennent un diplôme, puis ils travaillent, ou même s'ils n'ont pas de diplôme, qu'ils soient éduqués ou pas, dans tous les cas, ils s'appuient sur eux-mêmes et ils survivent grâce à leur propre argent. Et l'argent qu'ils ont gagné à la sueur de leur front, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent en profiter s'ils veulent. Ils disent c'est ma propriété, c'est ma maison, etc. Ils peuvent le partager, ils peuvent l'utiliser pour eux-mêmes. Ils en font absolument ce qu'ils veulent. Mais pour les moines, c'est différent. Les moines, d'abord, dès le jour où ils sont devenus moines, ils ont coupé les liens familiaux, ils ont abandonné leur vie habituelle, la vie normale. Et puis, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de revenus. Ils n'ont pas d'argent qui leur appartient en propre. Les moines dépendent des laïcs qui les soutiennent. Ils sont donc dépendants. Ils ne sont pas indépendants comme les laïcs. Les laïcs, les pères de famille, par exemple, sont indépendants. Ils peuvent subvenir à leurs propres besoins, mais leurs enfants, par exemple, dépendent d'eux. Les enfants dépendent des parents. S'ils souhaitent quelque chose, ils doivent passer par les parents. Les moines n'ont pas de travail, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas d'argent propre. Évidemment, il peut aussi y avoir des travaux qui sont faits bénévolement, sans recevoir d'argent. Alors, faut aussi rappeler quand même qu'il y a des voies différentes pour les moines. Il y a le Theravada, donc c'est la voie des anciens, c'est l'ancienne tradition. Dans cette ancienne tradition, les moines ne travaillent pas, ils peuvent pas avoir de business, mais on voit que dans le Mahayana, par exemple en Chine, en Corée, au Japon, les moines peuvent travailler. Parfois, ils ont leur propre business, leur propre compagnie, leurs propres hôtels, une femme, des enfants, etc. Je ne critique pas, mais j'explique simplement que ça existe. C'est une voie différente. Mais les moines ordinaires, donc dans le Theravada, ils ne travaillent pas. Et tout ce qui est nécessaire, tous leurs moyens d'existence qui sont nécessaires pour survivre, ils les reçoivent des laïcs. Ils dépendent pour ça du soutien des laïcs. Donc il y a la nourriture, il y a les logements, qu'on vive dans des grottes ou dans un temple, il faut un endroit où se loger, les vêtements, les robes du moine, les médicaments, quel que soit le type de médicament qu'on prend, que ce soit de l'homéopathie ou autre chose. Donc tout ça est nécessaire pour survivre. Et donc c'est important qu'il y ait cette règle pour que les moyens d'existence soient purs. Et comment est-ce qu'on peut avoir des moyens d'existence purs? D'abord, c'est en réfléchissant à leur usage, à leur but, à la raison d'être de ces soutiens qu'on reçoit. Donc au moment où le moine reçoit quelque chose, par exemple au moment où il reçoit un temple, il doit réfléchir à l'objectif de ce bien matériel et il doit aussi réfléchir au moment où il l'utilise. Donc, par exemple, quand il consomme la nourriture qu'on lui a offerte, il doit continuer à avoir à l'esprit le but de cette nourriture. Une autre façon d'avoir des moyens d'existence justes, c'est de pratiquer metta, de pratiquer l'amour bienveillant. Donc, quand on reçoit quelque chose, quand un laïc donne quelque chose au moine, le moine va souhaiter que tous les êtres soient heureux et soient en paix. C'est ça aussi la signification de la pratique de metta, de l'amour bienveillant. Donc il y a deux choses. D'abord, on réfléchit sur l'usage des moyens d'existence, des nécessités pour survivre. Et ensuite, en quelque sorte, on rend l'appareil au donateur en rayonnant metta à son égard. Ou on peut faire les deux, donc réfléchir et pratiquer metta. Donc, sila visuddhi, la purification de la moralité, de la conduite, le nettoyage, on peut dire. Le sens de la méditation, en fait, c'est le nettoyage, la purification de nos vies. Le Bouddha a dit que l'esprit était très puissant, mais que l'esprit était sali à cause de ce qui vient de l'extérieur, à travers les organes des sens, à travers la vision, l'audition, l'olfaction, etc. On accumule beaucoup de crasse, beaucoup de pollution mentale, les kilesas, les impuretés mentales. Et maintenant, ce qu'on fait dans un centre de retraite, c'est de nettoyer notre vie, purifier notre vie. Il y a trois degrés, trois niveaux de pollution mentale. En fait, on accumule des pollutions mentales depuis qu'on est tout jeune. Alors quand on est enfant, c'est pas encore beaucoup. Quand on est adolescent, ça va encore, c'est pas encore trop mauvais. Mais après, on commence à en accumuler de plus en plus et ça devient difficile de gérer nos vies. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus vieux et nos kilesas sont de plus en plus grands, de plus en plus épais. Donc il y a trois niveaux de kilesas. D'abord, vitekama kilesa, les pollutions mentales grossières. Et en fait, quand on pratique quand on observe les cinq préceptes, on s'abstient de tuer, de voler, de méconduite sexuelle, de prendre de l'alcool, etc. On contrôle les comportements physiques, les actions physiques et verbales néfastes. On les restreint. On évite les actions néfastes du corps et de la parole. Cette forme de sila, de moralité, purifie notre esprit de façon basique. L'essentiel de notre esprit est déjà purifié grâce à simplement ce contrôle des actions physiques et verbales. On évite de commettre des erreurs, en fait, en observant sila. Le deuxième niveau de pollution mentale, c'est pariyutana kilesa, et le troisième, c'est anusaya kilesa. Donc le deuxième niveau, celui de pariyutana kilesa, on observe déjà les neuf préceptes, donc on a déjà purifié notre comportement physique et verbal, mais l'esprit, lui, est toujours plein de pollution. Même si notre comportement physique et verbal est déjà purifié, on reste encore avec plein de pollution dans notre esprit, ici, à la retraite. Et donc, pour purifier l'esprit, on a besoin de samadhi, on a besoin de la concentration. Alors, par exemple, metta bhavana, c'est samadhi, l'amour bienveillant. Ou alors, simplement, rester sur l'objet primaire, observer la respiration, le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen aussi longtemps que possible. C'est aussi samadhi. Et samadhi est nécessaire pour ce deuxième degré de pollution mentale. Donc c'est quoi pariyutana kilesa? C'est toutes les émotions. On a tellement d'émotions, on est submergé par les émotions. Et il faut les calmer, calmer ces émotions grâce à samadhi, graduellement, étape par étape. L'état émotionnel peut se réduire petit à petit. Donc vous êtes occupé à nettoyer tout cela comme si vous preniez une douche. Donc vous nettoyez les pollutions mentales, vitekama, les mauvaises actions, pariyutana, l'état émotionnel. Tout ça est un peu calmé, un peu ralenti, mais subsiste encore le troisième degré de pollution mentale, anusaya kilesa, les 10 pollutions mentales, les 10 kilesa, comme la colère, l'envie, la jalousie, l'avidité, etc. Toutes ces pollutions se produisent encore dans notre vie, nous arrivent encore. Et c'est seulement par vipassana, par la vision pénétrante, qu'on peut déraciner ces pollutions mentales qui sont enracinées en nous. Voilà, donc vous êtes joint à une retraite de méditation pour Nettoyer vos vies grâce à Sila, Samadhi et Panya, ce n'est pas facile pendant une retraite de 10 jours ou même d'un mois. Pour practicing meditation, pour cleaning, okay, purifying your mind, may all of you be well, happy, peaceful, finally attain Nirvana within.